Le premier amour d'Eugène Pickering de Henry James. Chapitre 1er. C'était à Hambourg, il y a quelques années. Je venais d'entrer dans le cours-salle, et je rôdais d'abord en curieux autour de la table où l'on jouait à la roulette. Peu à peu, je parvins à me glisser à travers le cercle extérieur. À peine l'eus-je franchi que j'aperçus un jeune homme dont le visage me frappa. Où donc avais-je vu ce front large, ses yeux bleus, ce long cou, cette chevelure bouclée? Évidemment, je connaissais un visage frère de celui-là, mais ma mémoire ne me rappelait aucun souvenir plus précis. L'inconnu, dont les traits respiraient la franchise et la bonté, suivait les péripéties du jeu avec un intérêt qu'il ne cherchait pas à cacher, et son étonnement naïf formait un agréable contraste avec le masque dur et impassible des gens qui l'entouraient. On devinait qu'il subissait pour la première fois une tentation à laquelle la timidité l'empêchait de céder. Tout en se laissant fasciner par le feu croisé des gains et des pertes, il remuait des pièces d'or dans une de ses poches, puis retirait sa main pour la passer sur son front avec un geste nerveux. La plupart des spectateurs s'occupaient trop du jeu pour prêter beaucoup d'attention à leurs voisins. Je remarquai néanmoins, assise entre mon inconnu et moi, une dame qui paraissait moins absorbée. Bien qu'à Hambourg, au dire des habitués, il ne faille jamais se fier aux apparences, je demeurais persuadé que cette dame n'était pas du nombre de celles qui ont pour vocation spéciale d'attirer les regards des favoris de la fortune. On lui aurait donné une trentaine d'années, mais il lui était encore permis de ne pas avouer le nombre exact de ses printemps. Elle avait de beaux yeux gris, une profusion de cheveux blonds et un sourire fort séduisant. Quoique son teint n'eût plus la fraîcheur de la première jeunesse, elle charmait par une certaine grâce sentimentale. Sa robe de mousseline blanche, garnie d'une multitude de bouillons et relevée par des rubans bleus, lui seyait à merveille. Je me flatte de deviner de prime abord la nationalité des gens, et il est rare que je me trompe. Cette beauté un peu fanée, un peu chiffonnée, un peu vaporeuse, était une Allemande. Une Allemande telle qu'on rencontre dans le monde lettré. N'avais-je pas devant moi l'amie des poètes, la conseillère des philosophes, une muse, une prêtresse de l'esthétique, quelque chose comme une Bettina ou une Raël? Je coupai court à mes hypothèses. Ma Bettina venait de lever une main non gantée, aux doigts couverts de bagues à gemmes bleues, turquoise, saphir ou lapis-lazuli, et elle appelait à elle le spectateur dont l'attitude indécise l'avait frappée. Ce geste, celui d'une princesse habituée à donner des ordres, fut accompagné d'un sourire irrésistible. Le jeune homme ouvrit de grands yeux, comme s'il doutait que cet appel s'adressât à lui. Le voyant répéter avec plus d'insistance, il rougit jusqu'à la racine des cheveux, et après avoir hésité un moment, se dirigea vers la dame. Lorsqu'il arriva derrière elle, il s'essuya le front. La joueuse se retourna, posa deux doigts sur la manche de son habit, et lui adressa une question à laquelle il répondit en secouant la tête. Elle lui demandait s'il n'avait jamais joué, et il avouait son inexpérience. Les personnes qui cultivent la roulette s'imaginent volontiers que, lorsque la fortune ne leur sourit pas, elles peuvent se la rendre favorable en confiant leur enjeu à une main novice. La dame, qui perdait, voulut tenter l'épreuve. Elle n'avait pas devant elle, ainsi que la plupart de ses voisins, une petite pile d'or. Mais elle tira de sa poche un double Napoléon qu'elle remit au nouveau venu en le priant de l'aventurer pour elle. La requête, on le voyait, causait au brave garçon un trouble délicieux. Il semblait reculer devant la responsabilité qu'on lui imposait. Le visage de la dame trahissait une émotion contenue, et peut-être se disait-il que l'enjeu représentait une dernière mise de fond. Au moment où il se penchait en avant pour poser la pièce sur la table, je dus me déranger afin de livrer passage à une douairière qui cédait sa place à une amie. Lorsque je dirigeais de nouveau les yeux vers la joueuse en robe de mousseline blanche, ses petites griffes ornées de pierres bleues attiraient à elle un beau tas d'or. À Hambourg, la joie et le désespoir conservent la même impassibilité. La gagnante se contenta de se retourner gracieusement et de remercier par un rapide sourire celui qui venait de sacrifier pour elle son innocence. La victime, toutefois, garda assez de candeur pour se borner de son côté à regarder autour de la salle d'un air satisfait. Ses yeux rencontrèrent alors les miens, et dans ce visage épanoui, je retrouvai subitement celui d'un ami d'enfance, citoyen comme moi de la grande République américaine. Comment n'avais-je pas reconnu plus tôt Eugène Pickering? Ma physionomie avait aussi dû s'épanouir, car cette rencontre me causait un vif plaisir. Mais Pickering ne me reconnut pas. Mon sourire à moi n'avait sans doute plus rien qui rappelât l'époque où nous feuilletions le Gradus ad Parnassum. Considérant que la chance avait tourné, mon Allemande se mit à jouer elle-même, puis, après avoir gagné coup sur coup, elle jugea bon de s'arrêter et enfouit ses gains dans les plis de sa mousseline. Pickering n'avait rien risqué pour son propre compte. Lorsqu'il vit sa voisine sur le point de se retirer, il lui présenta un double Napoléon. Elle secoua la tête d'un air très décidé et parut l'engager à remettre l'argent dans sa poche. Comme il s'obstinait, elle prit la pièce et la plaça sur un numéro. Un instant d'après, le râteau du croupier raflait la mise. La dame se leva, haussa les épaules d'une façon qui signifiait clairement « Je vous l'avais bien dit ». Et le joueur malencontreux la précéda pour l'aider à traverser la foule. Avant de regagner mon logis, je fis un tour sur la terrasse. La lueur des étoiles éclairait vaguement, à l'extrémité de l'esplanade, trois ou quatre couples attardés parmi lesquels il me sembla distinguer une dame en robe blanche. Pickering avait toujours été un drôle de garçon, et je tenais à savoir ce qu'était devenu sa drôlerie. Le lendemain, j'allai aux informations, et je ne tardai pas à découvrir son hôtel. Il venait de sortir. Je m'éloignai sans trop de dépit, convaincu que je le rencontrerais bientôt. Les visiteurs de Hombourg ont l'habitude de passer leur soirée aux cours sales. Et si je ne me trompais, Pickering avait une bonne raison pour ne pas faire exception à la règle. Je me dirigeai vers le Hartwald. Tout à coup, au bord d'un sentier, j'aperçus un jeune homme couché sur l'herbe. À côté de son chapeau gisait une lettre non décachetée. Il se redressa en me voyant m'arrêter en face de lui, ajusta son lorgnon et me contempla sans me reconnaître. Je me nommais. Il se leva d'un bond, me serra la main, m'adressa une douzaine de questions auxquelles il ne me laissa pas le temps de répondre, et finit par me demander comment je l'avais reconnu. « Tu n'es pas changé au point d'être méconnaissable, » lui dis-je. « Après tout, il ne s'est écoulé que 15 ans depuis que tu me faisais mes devoirs latins. »« Pas changé, » répéta-t-il d'un ton de regret. Je me souvins alors qu'à l'époque que je venais de lui rappeler, Pickering servait de cible à nos railleries juvéniles. Il apportait chaque jour à la pension une fiole remplie d'une médecine mystérieuse dont il avalait une dose avant de goûter, et chaque après-midi, une gouvernante aux sourcils menaçants venait le prendre en voiture. La blancheur de son teint, la fiole qui nous rappelait le poison tragique et la vieille gouvernante que nous comparions à la nourrice de la fille des Capulet avaient valu à l'infortunée Eugène le sobriquet de Juliette. Tout cela me revint à l'esprit et je m'empressai de déclarer à Pickering que je voyais toujours en lui le bon enfant qui me bâclait mes thèmes. « Nous étions de fameux amis, tu sais, » ajoutai-je. « Oui, et c'est pour cela que j'aurais dû te reconnaître tout de suite. Comme écolier, je n'ai jamais eu qu'un petit nombre d'amis. Et je n'en ai pas eu beaucoup depuis. Vois-tu, je me trouve seul pour la première fois de ma vie et je me sens tout désorienté. » Et il rejeta sa tête en arrière avec un mouvement nerveux, comme pour mieux se fixer dans une position si nouvelle. Je me demandais si la vieille gouvernante restait attachée à sa personne, et je découvris bientôt que virtuellement il ne s'était pas encore débarrassé d'elle. Nous nous assîmes côte à côte sur le gazon pour évoquer nos souvenirs. Nous ressemblions à des gens qui, ouvrant par hasard les tiroirs de meubles oubliés, retrouvent un tas de jouets, soldats de plomb, casse-tête chinois, contes de fées en lambeaux. Voici ce que nous nous rappelâmes à nous deux. Pickering n'était demeuré que peu de temps à l'école. Son père craignit qu'il ne contractât des habitudes vulgaires. Eugène m'avait révélé dans le temps le motif de son départ, et cette confidence avait augmenté la terreur que m'inspirait M. Pickering, qui m'apparaissait alors comme une sorte de grand prêtre des convenances. M. Pickering pleurait depuis longtemps sa femme, et son veuvage donnait un surcroît excessif à sa dignité paternelle. C'était un homme à la démarche majestueuse, avec un nez crochu, des yeux noirs et perçants, de très larges favoris et des opinions originales sur la façon dont un enfant, ou du moins dont son enfant à lui, devait être élevé. D'abord, il fallait que son héritier acquît dès le berceau les idées d'un parfait gentleman. L'expérience ayant démontré que la vie de pension s'opposait à la stricte observation des règles qui devaient produire le résultat désiré, M. Pickering résolut de donner à son fils un précepteur et un seul compagnon d'études. Son choix, j'ignore pourquoi, tomba sur ma personne. À défaut de science, le précepteur ne manquait pas de savoir-faire, car Eugène fut traité en prince, tandis que les pinsommes et les coups de férule pleuvaient sur moi. Pourtant, je ne me rappelle pas avoir jamais été jaloux de mon camarade. Il possédait une montre, un poney et toute une bibliothèque de livres illustrés. Mais l'envie que m'inspiraient ces trésors était tempérée par un vague sentiment de compassion. Personne ne m'empêchait de sortir pour aller jouer tout seul. On me reconnaissait le droit de boutonner moi-même ma jaquette, et je pouvais veiller jusqu'à ce que je fusse disposé à dormir. Le pauvre Pickering, lui, ne se serait jamais permis de franchir le seuil de sa demeure sans un exéat en règle. Comme mes parents ne se souciaient pas de me laisser inoculer des vertus importunes, ils me renvoyèrent à l'école au bout de 6 mois. À dater de ce moment, je n'avais pas revu Eugène, et cette victime d'une éducation de serre chaude cessa bientôt d'occuper une grande place dans mes souvenirs. Je l'examinais avec un vif intérêt, car c'était un phénomène. Le produit d'un système suivi avec une persistance inexorable. Il me rappela certains jeunes moines que j'avais rencontrés en Italie. Même physionomie candide et craintive, en effet, n'avait-il pas reçu une éducation presque monacale? Il eût été difficile, à vrai dire, de rencontrer un sujet plus docile. Sa nature douce et affectueuse n'était pas de celles qui ont besoin d'être soumises aux joug du cloître. Cette éducation, aujourd'hui que l'univers lui ouvrait ses 1000 portes, lui laissait une fraîcheur et une vivacité de sentiments peu communes. Et j'avoue qu'en rencontrant le regard toujours naïf de ses yeux bleus, je tremblais pour l'innocence non aguerrie d'une pareille âme. Le contact du monde agissait déjà sur lui, troublant sa longue quiétude. Tout ce qui l'entourait lui parlait d'une expérience qu'on lui avait interdite. Il s'effrayait à la seule idée de passion dont jusqu'alors il n'avait pas soupçonné l'existence. Son allure, jointe à la scène dont j'avais été témoin la veille, me fit deviner tout cela. Il passait la main dans ses cheveux, essuyait son front moite, brûlant de me parler de ce qui le préoccupait et parlant d'autre chose. Notre rencontre inattendue l'avait agité, et je vis que je ne tarderais pas à recevoir quelques confidences sentimentales. « Oui, dit-il, il s'est écoulé 15 ans depuis que nous traduisions Virgile, et pourtant ces années ont été si stériles pour moi que je pourrais en résumer l'histoire en 10 mots. Toi, tu as sans doute eu toutes sortes d'aventures et visité une moitié de notre globe. Je me souviens que ton audace m'étonnait, que je te regardais comme un capitaine Cook parce que tu sautais par-dessus les haies du jardin pour aller chercher les balles que je lançais si maladroitement. Je n'osais pas sauter les haies alors, et je n'ai pas appris à les sauter depuis. Tu te rappelles mon père? Je l'ai perdu il y a 5 mois. Jusqu'à sa mort, nous n'avons pas cessé de vivre ensemble. Je ne crois pas qu'en 15 ans nous ayons passé 12 heures sans nous voir. Depuis mon départ de l'école, nous habitions la campagne, été comme hiver, ne recevant que 3 ou 4 personnes. C'était une triste existence pour un garçon qui grandissait, et une existence plus triste encore pour un garçon qui avait fini de grandir. Mais j'ignorais que l'on vécut autrement, et je me trouvais heureux. Il me parla longuement de son père et avec un respect que je ne partageais pas. M. Pickering, selon moi, avait agi en égoïste. « Je sais maintenant, continua mon ami, que j'étais élevé d'une façon singulière et que le résultat est un produit assez grotesque. Mais mon éducation était devenue l'idée fixe de mon père. Il trouvait qu'on a grand tort de laisser pousser les enfants comme un arbrisseau exposé à la poussière et au vent, de sorte que je suis une vraie plante de serre. J'ai été surveillé, arrosé, émondé comme une fleur rare, et je devrais remporter la médaille d'honneur à une exposition d'horticulture. Il y a 2 ans, la santé de mon père commença à décliner. Bien qu'arrivé à l'âge d'homme, je n'étais pas plus libre qu'un écolier. Le jour de sa mort, je venais d'atteindre ma 27e année, et pourtant, en me trouvant seul, je me sentis aussi embarrassé qu'un aveugle qui aurait perdu son guide. La vie semblait s'offrir à moi pour la première fois, et je ne savais comment la saisir. Il me raconta tout cela avec une franche vivacité qui augmentait à mesure qu'il parlait. Le manque d'expérience qu'il avouait et l'esprit qui rayonnait dans son regard formaient un bizarre contraste. C'était évidemment un garçon fort intelligent et doué de facultés peu ordinaires. Je m'imagine que ses nombreuses lectures lui avaient permis de compenser jusqu'à un certain point par d'inquiètes hypothèses l'absence de toute liberté pratique. « Non, je n'ai pas fait le tour du monde, ainsi que tu sembles croire, lui dis-je à mon tour, mais j'avoue que je t'envie la nouveauté des impressions que le monde te réserve. En venant à Hambourg, Tu t'es lancé du premier coup in medias res. » Il me regarda comme pour s'assurer s'il n'y avait pas là une allusion à notre rencontre de la veille, et il reprit après un moment d'hésitation. « Oui, je le sais. À bord du steamer qui m'a mené à Brême, j'ai rencontré un Allemand très amical qui m'a décidé à commencer par visiter son pays et à débuter par Hombourg. Il y a 15 jours à peine que j'ai débarqué, et me voici. » Il hésita de nouveau, comme s'il allait ajouter quelque chose, mais il se contenta de ramasser avec un geste nerveux la lettre qui gisait près de lui, examina le timbre en fronçant les sourcils, puis la rejeta sur le gazon avec un soupir. « Combien de temps comptes-tu rester en Europe ?» lui demandai-je. « 6 mois, ou du moins, je n'avais pas l'intention de m'absenter davantage lors de mon départ. Maintenant ?» Il contempla encore la lettre d'un air rêveur. « Et où iras-tu ? Que feras-tu ? » « N'importe où, n'importe quoi, » t'aurais-je répondu hier. « Aujourd'hui, tout est changé. » Je jetai un coup d'œil interrogateur du côté de la lettre. Il la ramassa aussitôt et la mit dans sa poche. Nous causâmes encore du passé, et je vis à son air préoccupé qu'il s'efforçait de trouver assez de courage pour franchir d'un bond une de ces intimes que lui opposait sa réserve habituelle. Soudain, il posa la main sur mon bras et s'écria. « Ma parole, je voudrais te dire tout. » « Pourquoi pas ? » répondis-je en riant. « Oui, mais me comprendras-tu ? Enfin, n'importe. » Il se leva, se promena un moment, puis revint se jeter sur l'herbe à côté de moi et reprit. « Je t'ai dit que jusqu'à la mort de mon père, je me suis cru heureux, et cela est vrai. Maintenant, je sais que je ne vivais pas. Vivre, c'est apprendre à se connaître, et à ce point de vue, j'ai plus vécu pendant les 6 dernières semaines que durant toutes les années qui les ont précédées. Le sentiment de la liberté me grise comme un vin capiteux. J'ai découvert que je suis un être capable de sentir, de comprendre, capable d'avoir des désirs, des convictions, des passions et même, ce que je ne soupçonnais pas, une volonté. Je m'aperçois qu'il existe un monde qu'il faut étudier, une expérience à acquérir, une société avec laquelle il s'agit de former 1000 relations. Ce monde se présente à moi pareil à une mer agitée où l'on doit plonger, ne fût-ce que pour le plaisir de lutter contre les vagues. Je reste à trembler sur la rive, ouvrant de grands yeux, tenté de me jeter à l'eau, surpris, charmé par l'odeur saline, et pourtant intimidé par l'immensité de l'horizon. Le monde me sourit et m'appelle. Mais une influence mystérieuse, l'influence de mon passé, à laquelle je ne puis ni obéir ni résister complètement, me retient. Je me demande pourquoi j'irais me mesurer contre des forces impitoyables quand j'ai si bien appris à me tenir à l'écart. Pourquoi n'éviterais-je pas les écueils en retournant chez moi pour reprendre, au milieu de mes livres, la vie monotone qui m'attend un jour ou l'autre ? Ah, on a beau être faible, on n'aime pas à reconnaître sa faiblesse sans l'avoir soumise à la moindre épreuve. Voilà pourquoi l'envie me vient sans cesse de faire le plongeon, de m'abandonner au courant, et de me laisser aller là où me conduira la liberté. Il se tut, fixant sur moi ses grands yeux bleus, et s'apercevant que je souriais de la vivacité inattendue de ses aveux. « Je devine ce que tu vas dire, » continua-t-il. « Abandonne-toi au courant, et bonne chance. Je ne sais si tu ris de mes craintes ou de ce que tu appelles, peut-être à tort, ma dépravation. Pour moi, le plaisir et la peine sont encore des mots vides de sens. Ce que je désire, c'est un autre savoir que celui que l'on inculque dans des préceptes routiniers. Tu me comprendrais mieux. » Si tu pouvais respirer pendant 1 heure l'atmosphère enfermée où j'ai toujours vécu. Et tu auras raison d'agir, répliquai-je. Seulement, prends garde de te montrer trop exigeant. Je crains que le monde réel ne vaille pas le monde que tu as rêvé durant ta longue réclusion. Un homme doué comme toi, d'une bonne tête et d'un bon cœur, possède en lui-même un monde assez vaste. Et je ne crois pas plus à l'art pour l'art qu'aux théories malsaines de messieurs les viveurs. Néanmoins, je t'engage à faire le plongeon. Tu me diras ensuite si tu as trouvé la perle de la sagesse humaine. » Il fronça de nouveau les sourcils comme pour me reprocher mon manque de sympathie. Je lui serrai la main. « La perle de la sagesse, repris-je, c'est l'amour honnête. Depuis que l'univers existe, l'expérience n'a rien trouvé de meilleur. Je te conseille de devenir amoureux. » Au lieu de répondre, il tira de sa poche la lettre dont j'ai parlé, la leva en l'air, et la secoua d'un air solennel. « Que me montres-tu là ? » demandai-je. « Ma sentence. »« Pas ton arrêt de mort, j'espère. »« Mon arrêt de mariage. »« Avec qui ? » ?»« Avec une personne que je n'aime pas. » Cela devenait sérieux. Je le priais de s'expliquer. « C'est la partie la plus singulière de mon histoire, » répliqua-t-il. « Elle te rappellera les vieux romans démodés. Et il m'appartient bien de parler de liberté et de lancer des invitations au destin. Tel que tu me vois, mon sort est décidé. J'ai été donné en mariage. C'est un legs du passé, de ce passé auquel je n'ai jamais osé dire non. L'union fut arrangée à mon insu il y a bien longtemps déjà. Le père de ma future, un des rares amis intimes du mien, était aussi un veuf qui élevait sa fille dans la réclusion à laquelle j'étais voué moi-même. J'ignore juste l'origine du contrat. M. Vernor se trouvait à la tête d'une grande maison de banque, et j'ai lieu de croire que mon père lui vint en aide dans un moment critique. Toujours est-il que M. Vernor s'engagea à donner à sa fille une éducation qui la rendit digne d'épouser l'héritier de son bienfaiteur, et nous avons été élevés l'un pour l'autre. Je n'ai pas vu ma fiancée depuis l'époque où elle témoignait infaible pour les confitures et pour un polichinelle manchot. M. Vernor dirigeait aujourd'hui une des premières maisons de banque de Smyrne où il s'est établi il y a une dizaine d'années. Isabelle a grandi là dans un jardin entouré de murs blancs au milieu de bosquets d'orangers entre son père et sa gouvernante. Elle a 17 ans et demi et nous devons nous marier quand elle en aura 18. Ton histoire ressemble en effet à un roman et je t'en félicite, répondis-je. Je n'ai pas eu la chance, à l'âge où l'on doit se marier, de rencontrer une femme élevée exprès pour moi. Je parierais que Mademoiselle Vernor est charmante, et je m'étonne que tu ne sois pas en route pour Smyrne. Tu plaisantes, répliqua-t-il d'un ton fâché. Et la chose est terriblement sérieuse. Il y a tout au plus un an que j'ai appris ce complot matrimonial. Mon père, sentant sa fin proche, jugea bon de me prévenir. Cette annonce me causa à peu près autant d'émotion que m'en aurait causé la nouvelle qu'il venait de commander pour moi une douzaine de chemises. Je supposais que tous les jeunes gens se mariaient ainsi. Un soir que je me tenais assis dans la chambre du malade, il me fit signe d'approcher. « Je n'ai plus longtemps à vivre, » me dit-il, « et je regrette moins de mourir lorsque je songe que j'ai garanti ton avenir. Je crois à ta docilité. Cependant, tu vas rester seul, exposé à 1000 tentations. » Et cette pensée trouble mes derniers moments. Jure-moi donc que tu suivras le sentier que je t'ai tracé, et que tu épouseras Isabelle Vernor. Je ne répondis pas, car un pareil serment m'effrayait. Mon père se redressa dans son lit et me lança un regard désespéré auquel je n'eus pas le courage de résister. Je promis. Je ne le regrette pas. Je compte tenir ma promesse, mais je veux vivre d'abord. Mon cher Eugène, tu vis déjà? C'est une vie très ardente que ce sentiment passionné de ta situation. Je veux oublier ma situation. Je veux pour le moment ne songer ni au passé ni à l'avenir, et ne me soucier que de ce que m'offrira le présent. Ce matin encore, je me serais cru libre de le faire si je n'avais reçu ce memento. » Et il froissa la lettre dans sa main. « Cette lettre ? Oui, une lettre de Smyrne. Je vois que tu ne l'as pas ouverte. Et je n'ai pas l'intention de l'ouvrir de sitôt. Elle m'apporte de mauvaises nouvelles. Qu'entends-tu par là? C'est ma feuille de route. Elle m'annonce que M. Vernor compte me voir à Smyrne dans 3 semaines, qu'il blâme mon séjour à Hombourg, et que sa fille m'attend au pied des autels. Pure hypothèse. Oui, mais très probable. Et il rejeta la lettre sur l'herbe. Tu ferais mieux de la décacheter, lui dis-je. Si c'est ma feuille de route, répondit Eugène, sais-tu ce qui arriverait? Je retournerai à l'hôtel. Je demanderai à l'Oberkellner comment on va à Smyrne, et je prendrai mon billet pour ne m'arrêter qu'au but de mon voyage. Je succomberai devant la force de l'habitude. Donc, le seul moyen de m'assurer un peu de liberté, c'est de ne pas rompre le cachet. À ta place, je céderai à la curiosité. Je n'éprouve aucune curiosité. L'idée de mon mariage a cessé d'être une nouveauté pour moi, et de ce côté, je ne crains rien. Ce que je redoute, c'est ma conscience. Je désire avoir les mains liées. Veux-tu m'obliger? Ramasse cette lettre et fourre-la dans ta poche. Quand je te la demanderai, je serai au bout de ma corde. Je pris la lettre en riant. Et quelle longueur aura ta corde? La saison de Hombourg ne dure pas éternellement, lui dis-je. Elle dure bien 1 mois, n'est-ce pas? Eh bien, tu me rendras ma lettre dans 1 mois. Demain, si tu veux, en attendant qu'elle dorme en paix. Il me regarda serrer la lettre dans mon portefeuille, et lorsqu'elle eut disparu, il poussa un petit soupir de satisfaction. Rien de plus naturel que ce soupir, qui me donna pourtant à penser. Je n'osais pas reprocher à Pickering de reculer devant une responsabilité immédiate imposée par autrui. Mais, s'il existait un ancien grief, je craignais qu'il n'y eût aussi une illusion nouvelle à combattre. Il aurait été peu amical de m'abstenir d'une remarque qui pouvait servir d'avertissement. Je le prévins donc que la veille j'avais été témoin de ses exploits à la roulette. Il rougit beaucoup et soutint mon regard avec une franchise radieuse. « Alors, tu as vu cette dame merveilleuse ?» me demanda-t-il. « Merveilleuse, en effet. » Je l'ai ensuite revue au clair de la lune assise non loin de la terrasse, et je m'imagine qu'elle n'était pas seule. « Non, puisque nous sommes restés là pendant plus d'une heure, et que je l'ai ramenée chez elle. »« En vérité. » »« Et tu es entré avec elle ?»« Non, elle a trouvé qu'il était trop tard. » »« Quoiqu'elle m'ait avoué qu'en général, elle ne fait pas de cérémonie. » »« Elle ne se rend pas justice. » Quand il s'est agi de perdre ton argent, tu as dû insister. Tu as vu cela ? S'écria Pickering. Je me figurais bien que tout le monde tenait les yeux fixés sur moi. Mais ses façons d'agir sont si gracieuses que j'ai conclu qu'elles n'ont rien d'insolite. Cependant, elle reconnaît qu'elle est excentrique. On a commencé par l'appeler originale avant qu'elle songeât à se moquer des usages établis, si bien qu'elle a fini par vouloir profiter des privilèges que lui donne sa réputation pour agir à sa guise. En d'autres mots, c'est une dame qui n'a pas de réputation à perdre. Pickering me regarda d'un air intrigué. « N'est-ce pas ce qu'on dit des mauvaises femmes ? » demanda-t-il. « De quelques-unes, de celles que l'on découvre. »« Eh bien, je n'ai rien découvert au détriment de Madame Blumenthal. Si c'est là son nom, je présume qu'elle est allemande. Oui. Cela ne l'empêche pas de parler anglais sans plus d'accent étranger que toi ou moi. Elle a beaucoup d'esprit et son mari est mort. » Le rapprochement de ces deux mérites me fit rire, et le regard naïf de Pickering parut m'interroger sur le motif de mon hilarité. « Tu as été trop franc, lui dis-je, pour que je ne suive pas ton exemple. Je t'avouerai donc que je soupçonne cette Madame Blumenthal, qui a tant d'esprit et dont le mari est mort, d'être pour quelque chose dans ton envie de couper les communications avec Smyrne. » Il parut réfléchir. « Je ne le crois pas, » répliqua-t-il enfin. « Il y a 3 mois que j'éprouve cette envie-là. Je ne connais Madame Blumenthal que depuis hier. C'est juste, mais ce matin, quand tu as trouvé cette lettre sur ton assiette, ne t'a-t-il pas semblé voir Madame Blumenthal en face de toi ? En face, répéta-t-il. En face, mon cher, ou quelque part dans ton voisinage. Bref, tu t'intéresses à elle ? Beaucoup, s'écria-t-il. Amen, répondis-je en me levant. Sur ce, puisque nous n'avons qu'un mois devant nous pour voir le monde, il n'y a pas de temps à perdre. « Commençons par le Hartwald. » Pickering se leva à son tour et nous flânâmes à travers la forêt, ne causant plus que du passé. Arrivés sur la lisière du bois, nous nous assîmes sur un tronc d'arbre abattu pour nous reposer en contemplant les hauteurs du Taunus. Je ne sais à quoi rêvait mon ami. Quant à moi, ma pensée voyageait vers Smyrne. Je demandai à Eugène s'il ne possédait pas le portrait de celle qui l'attendait là-bas dans un jardin entouré de murs blancs. Sans me répondre, il tira gravement son portefeuille où il prit une carte photographique qu'il me tendit sans daigner la regarder. Elle représentait une gracieuse enfant ou, pour me servir du langage des poètes, une fleur à peine éclose. La pauvre petite avait l'air timide et gênée des gens qui y posent. Vêtue d'une robe à taille courte, les mains jointes, le regard fixe, elle se tenait la tête un peu baissée. Sa gaucherie était aussi charmante que celle des vierges des sculpteurs du Moyen-Âge, et son regard, où rayonnait la calme sécurité de l'enfance, semblait demander « Pourquoi suis-je ici ?»« Quelle admirable image de l'innocence » m'écriai-je. « Ce portrait date d'un an, » dit Pickering, du ton d'un homme qui tient à se montrer juste. « Aujourd'hui, Miss Vernor doit avoir l'air moins naïf. »« Pas beaucoup moins, je l'espère, » répliquai-je en lui rendant la carte. « Elle est ravissante. » « Sans doute, elle est ravissante, » répéta Pickering, qui remit le portrait dans sa poche. Nous gardâmes le silence pendant quelques minutes. Enfin, je lui dis brusquement, « Mon cher ami, je serais enchanté de te voir quitter Hombourg sur l'heure. » Il me regarda d'un air surpris et rougi. « Il y a quelque chose qui me retient, » dit-il, « quelque chose dont ta remarque à propos de la réputation de Madame Blumenthal m'a empêché de te parler. « Bon, je devine. Elle t'a prié de jouer encore pour elle à la roulette. » « Pas du tout, » s'écria Pickering d'un ton triomphant. « Elle ne veut plus jouer pour le moment. Elle m'a invité à prendre le thé chez elle ce soir. »« Oh, alors tu ne peux pas quitter Hombourg, c'est clair, » répliquai-je avec le plus grand sérieux. « Gronde-moi, » dit-il après un moment de silence. Rappelle-moi que j'ai un devoir à remplir. Ordonne-moi de partir. » Je ne le comprenais pas trop. Cependant, pour l'obliger, je lui déclarais avec un gros juron que s'il ne se mettait pas en route, je ne lui parlerais de ma vie. Il se leva aussitôt, se campa droit devant moi et frappant le sol avec sa canne, il répliqua « À la bonne heure !» Je cherchais une occasion pour résister, pour franchir un obstacle. L'occasion se présente, je reste. Je lui adressai un salut railleur pour le féliciter de son énergie. « Voilà qui est décidé, » dis-je. « Et maintenant, pour te mettre en humeur de déguster le thé de Madame Blumenthal, allons entendre jouer des Schubert sous les tilleuls. » Le lendemain, je rendis visite à Eugène, et en frappant à sa porte, je fus surpris d'entendre parler très haut dans sa chambre, car je le croyais seul. Après avoir frappé de nouveau, je me décidai à entrer. Je trouvai mon ami, un livre à la main, se promenant à grands pas et déclamant des vers. Il me fit un accueil cordial, jeta le volume sur la table et m'annonça qu'il prenait une leçon d'allemand. « Et quel est ton professeur ? » demandai-je. Il évita mon regard et répondit, en hésitant un peu, « Madame Blumenthal. » « Vraiment ? Aurait-elle rédigé une grammaire ? » ?»« Ce n'est pas une grammaire, c'est une tragédie. » Et il me tendit le livre. Je l'ouvris et je vis qu'il contenait, imprimé en caractère très fin, avec de grandes marges, un Trauerspiel, en 5 actes, intitulé « Cléopâtre ». Il y avait beaucoup d'additions et de corrections manuscrites. Les tirades étaient fort longues, et l'héroïne surtout avait à débiter une quantité formidable de monologues. « Cela me semble assez passionné, » dis-je. « Ce drame a-t-il été représenté ?»« Madame Blumenthal l'a fait jouer chez elle, à Berlin. » Elle remplissait elle-même le rôle de Cléopâtre. L'expérience n'avait pas encore développé chez Pickering le sentiment du ridicule. Mais le sérieux avec lequel il me donna ce renseignement suffit pour me prouver qu'il était sous le charme. Il paraissait préoccupé et répondit d'un air distrait à mes remarques sur la chaleur, la cherté des hôtels, l'arrivée de la pâtie, etc. Enfin, il dévoila le fond de sa pensée en me déclarant que Madame Blumenthal était une femme extraordinairement intéressante. Il se rappela que j'avais parlé d'elle en termes assez peu respectueux et m'annonça qu'il tenait à me faire changer d'opinion. En voyant combien les échos du passé se perdaient pour lui dans la musique intérieure qu'il entendait pour la première fois, je me dis qu'il avait fallu une main ferme pour tenir en outre un mécanisme aussi délicat que l'organisation impressionnable d'Eugène Pickering. Les Hombourgeois ont l'excellente coutume de passer l'heure qui précède le dîner à écouter l'orchestre installé dans le Kurgarten. La musique de Mozart et de Beethoven est un stimulant infaillible pour la race teutone, où le spirituel et le matériel se confondent d'une façon mystérieuse. Pickering et moi, nous nous conformâmes à la mode, et dès que nous fûmes assis sous les arbres, il recommença à me parler de la dame de ses pensées. « Je ne sais pas s'il est excentrique ou non, » dit-il, « car je trouve tout le monde excentrique. » Et la vie retirée que j'ai menée ne m'autorise pas à juger les gens. Avant d'avoir vu une salle de jeu, je me figurais que tous les joueurs avaient des mines patibulaires. En Allemagne, à ce que j'ai appris de Madame Blumenthal, on joue à la roulette comme nous jouons au billard, et pour beaucoup de personnes sans fortune, la roulette est une ressource qui n'a rien de déshonorant. Mais j'avoue que Madame Blumenthal pourrait faire pire que jouer à la roulette, sans me donner mauvaise opinion d'elle. Je n'ai jamais regardé la beauté positive comme la qualité essentielle chez une femme. Je me suis toujours dit que si mon cœur devait se laisser séduire, ce serait par une sorte de grâce harmonieuse qui produit la même impression calmante qu'un instrument bien accordé. Madame Blumenthal possède cette grâce harmonieuse. Enfin, tu la connaîtras, et tu seras à même de juger si elle n'a pas toutes les qualités que je lui prête. Si Madame Blumenthal était la plus belle femme du monde, dis-je en souriant, et si tu étais l'objet de ses préférences, je ne t'envierai pas ses faveurs, mais bien ton imagination. Voilà une manière polie d'affirmer que je suis un sot, répliqua-t-il. Tu es un sceptique, un cynique, un pessimiste. J'espère attendre encore longtemps avant d'en arriver là. Tu feras le voyage assez vite. As-tu le courage d'avouer à Madame Blumenthal ce que tu penses d'elle? Je ne sais trop ce que j'ai pu lui dire. Elle écoute encore mieux qu'elle ne parle, et il est possible que je lui ai débité hier soir un tas de niaiseries. Car après avoir échangé quelques paroles avec elle, j'ai senti ma timidité s'évaporer. J'avais sans doute en moi un fond d'éloquence inédite dont je ne demandais pas mieux que de me débarrasser, et toute ma poésie renfermée se sera envolée comme un essaim d'abeilles ou de frelons. Je me rappelle m'être perdu dans un brouillard de phrases et avoir vu deux yeux briller à travers la brume. Ici, Pickering ouvrit une parenthèse pour m'assurer que l'on n'avait jamais vu ou qu'on ne verra jamais des yeux pareils à ceux-là. En somme, j'ai pataugé dans une mare d'absurdité. J'aurais pu chercher longtemps, sans rencontrer une autre femme assez bonne pour m'écouter sans rire. Et je présume que, loin de se moquer de toi, Madame Blumenthal t'a encouragé. Oui, certes. Elle a senti, elle a souffert, et maintenant elle comprend. Elle t'a sans doute proposé d'être ta conseillère et ton amie. Elle m'a parlé comme on ne m'a jamais parlé, et m'a formellement offert de me rendre tous les services que peut rendre l'amitié d'une femme. Et tu as formellement accepté. Cela te paraît absurde. Permets-moi de te dire que je m'en moque, s'écria Pickering d'un ton agressif qui ne me blessa pas le moins du monde. J'ai été très ému. J'ai essayé de la remercier, mais je n'ai pas pu, et pour cacher mon trouble, je me suis retiré assez brusquement. C'est alors qu'elle a profité de l'occasion pour glisser sa tragédie dans ta poche. Nullement. J'avais vu le livre sur la table pendant que j'attendais dans le salon. Plus tard, elle voulut bien offrir de lire de l'allemand avec moi deux ou trois fois par semaine. « Par quoi commencerons-nous » demanda-t-elle. « Par ce drame, » répliquai-je en prenant le volume. Je ne suis ni un pessimiste ni un cynique, mais quand même j'aurais mérité le reproche de gêne. Mes griffes eussent été rognées par l'assurance que Madame Blumenthal désirait me connaître et avait prié mon ami de me présenter. Parmi les niaiseries qu'il s'accusait d'avoir débitées, il avait fait de moi un éloge chaleureux auquel elle avait répondu fort poliment. J'avoue que j'étais curieux de la voir, mais je demandais que la présentation n'eût pas lieu immédiatement. Je désirais d'abord que Pickering pût accomplir sa destinée sans que je fusse tenté de jouer le rôle de la Providence. Et d'ailleurs, j'avais à Hambourg des amis avec lesquels je m'étais engagé à passer mes heures de loisir. Pendant quelques jours, je ne fréquentais guère Pickering, tout en le rencontrant parfois au cours sale. Malgré mon désir de l'abandonner à lui-même, je cherchais à deviner quelle influence le contact du monde et surtout le contact de Madame Blumenthal exerçait sur lui. Il semblait très heureux, et je reconnus à divers symptômes que sa confiance en lui-même s'était accrue. Son esprit travaillait sans cesse, et je ne pouvais causer une demi-heure avec lui sans me demander si un autre genre d'éducation aurait contribué à mieux développer son intelligence. À chacune de nos rencontres, il me parlait un peu moins de Madame Blumenthal, tout en avouant qu'il la voyait souvent et qu'il l'admirait énormément. Je fus obligé, malgré mes idées préconçues, de reconnaître que pour fasciner une nature aussi pure et aussi sereine, il fallait qu'elle fût douée de qualités peu communes. Pickering me faisait l'effet d'un philosophe ingénu assis au pied d'une muse austère et non d'un désœuvré sentimental qui cède au charme de quelque beauté légère.